France Culture et le Théâtre des Bouffes du Nord présentent Texte en musique. La frontière invisible, d'après la bande dessinée de Benoît Peters et Françoise Keuten. Adaptation Benoît Peters. Enregistré en public au Théâtre des Bouffes du Nord le 9 mars 2014. Musique originale, Bruno Le Thor. Pour un cartographe, ça commençait bien. Enfin, cartographe, c'était beaucoup dire. Je n'avais pas encore fini mon diplôme. Une chose était sûre, j'avais réussi à me perdre. Je n'en pouvais plus. La chaleur était écrasante et mes deux valises étaient bien trop lourdes. C'est fou comme les trajets peuvent paraître longs en plein soleil sur ces pistes mal entretenues. Le vieux professeur Martinus avait raison. L'influence climatique du désert des Sommonites se faisait sentir jusqu'ici. Pendant des heures, j'avais rêvé du grand dôme du centre de cartographie. J'avais même cru l'apercevoir deux ou trois fois. Pure illusion. Et pour tout arranger, le vent s'était levé. Un vent brûlant et empli de poussière. Des bouts de papier voltaient autour de moi, surgissant de ses hauts. Incroyable. Qui peut être assez fou pour égarer une carte pareille. Samaris, Tramer, Urbicande. Elle doit bien dater de l'époque d'Ortelius. Elle pourrait même être de sa main. En tout cas, je la garde précieusement. Bientôt, encore loin devant moi, j'ai reconnu l'imposante silhouette du dôme. Le rêve de tous les cartographes. Mais mon euphorie n'a pas duré. La zone était encombrée de déchets de toutes sortes. Accentuée par la chaleur, une odeur lourde m'a pris à la gorge. Comment notre gouvernement pouvait-il laisser les abords du centre de cartographie dans un tel état d'abandon ? Enfin, je suis arrivé au pied du dôme. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. J'ai tourné longtemps autour du bâtiment sans parvenir à trouver la porte d'entrée. Il est vrai que les indications n'étaient pas claires. J'avais le sentiment que les cartographes m'observaient de là-haut en ricanant, tandis que je cherchais mon chemin. Enfin, je suis arrivé à la bonne porte. Le gardien s'était assoupi à l'ombre d'un parasol. Monsieur ? Monsieur. Oh, hein ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bonjour, je suis le nouveau cartographe. Ah, le nouveau cartographe. Et quoi encore ? Il est prêt au berceau maintenant. Mais je vous assure, j'ai une lettre de convocation officielle. Ah bon ? On va voir ça. Attendez, je la cherche. Et alors, cette lettre ? Où est-ce que maman a pu la mettre ? Je lui avais pourtant dit de faire attention. Un grand garçon comme vous n'est pas fichu de faire sa valise tout seul. Ah, la voilà. Regardez. Voyons ça. Roland de Crémer ? Vous êtes de la famille du grand de Crémer ? Oui, c'était mon grand-oncle. Mais je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma naissance. Faites excuse pour l'accueil, on ne m'avait pas prévenu. Un nouveau cartographe, c'est pas tous les jours. Venez, je vais vous conduire à votre chambre. C'est tout en haut. Je ne vous aide pas pour les balais, j'ai déjà assez de mal à monter comme ça. Des escaliers, des couloirs qui succédaient à d'autres couloirs, puis à nouveau des escaliers. Jamais je ne retrouverai mon chemin. Voilà, on y est presque. B188, B190, B192. Vous avez des préférences ? À cet étage, la place ne manque pas. Nous avons eu plusieurs décès ces derniers temps. Les nominations sont rares. Au moins, les voisins ne vous dérangeront pas. Bon. Eh bien, ce sera B190. Regardez. Cuisine, placard, douche, tout a été prévu. Parfait. Je pose mes affaires et vous me conduisez à mon bureau. Vous n'y pensez pas, il est presque 6 heures. Ils sont tous partis. Bon. Je vous laisse, moi. Faut que je retourne à mon poste. Pour être tranquille, l'endroit était tranquille. Je n'ai vu personne de toute la soirée. Heureusement qu'il me restait quelques provisions. Le lendemain matin, j'ai fait la connaissance de mon chef de service. Bonjour, monsieur Cicéry, je suis Roland Kremer. Vous m'appellerez monsieur Paul, comme tout le monde. Alors, c'est vous, la nouvelle génération. Tout de même, je ne vous imaginais pas si jeune. J'ai un peu connu votre grand-oncle, un homme remarquable. Bon, je ne suis pas sûr que la cartographie se transmette par les gènes, mais enfin... Je vous ai apporté ce fragment de carte que j'ai trouvé aux abords du centre et qui m'a semblé précieux. Regardez, je crois Une copie tardive, rien de plus. Bon, installez-vous à cette table, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Mademoiselle Beaujot, apportez donc quelques rouleaux à notre nouvelle recrue. Merci. Une gravure ? Qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse ? Eh bien, mon garçon... Vous m'avez l'air tout perdu. Vous n'allez pas rester à rêvasser devant ces images ? Non, je... De la méthode, mon petit. On ne vous a pas appris ça à Rupelmonde ? Ce que j'attends de vous, c'est que vous m'analysiez ce document. Commencez par noter les éléments qui vous frappent. La vérité, c'est que rien ne me frappait. Qu'est-ce qu'il voulait que j'en fasse de sa gravure ? Voulait-il que j'analyse le style de ses ruines ? Que j'essaye de dater l'image ? Ou cherchait-il à tester mes connaissances en géologie ? Mais les pierres, ça n'avait jamais été mon fort. C'est pas le travail qui manque ici, c'est les compétences. Ils ont nommé des légions de géodessinateurs, mais pas le moindre analyste. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Tout d'un coup, il y a urgence, paraît-il. Urgence de quoi ? Urgence pourquoi ? La géographie ne les intéresse pas beaucoup à Galatograd. En tout cas, en temps de paix. Alors... Qu'est-ce que vous en tirez de ces images ? Eh bien, je me suis d'abord interrogé sur la question de l'orientation. En observant les ombres, on peut déduire que la montagne est exposée au sud. Mais non, mon petit, vous n'y êtes pas du tout. La première chose à noter pour un cartographe, c'est qu'il s'agit d'une vallée. Ces pierres énormes, à l'avant-plan, forment manifestement une route, un chemin très ancien qui longeait la montagne. Et ici, ce sont les restes d'un aqueduc. Maintenant, pourquoi ? Cet aqueduc a-t-il été détruit ? Car il ne s'est pas écroulé tout seul. Hein ? C'est évident. Eh bien, un conflit entre les deux régions a dû se raviver. Il doit s'agir d'un lieu important de passage situé sur la frontière de l'ancienne Sodrovny. D'où cette tour de guet, là, sur la droite, de style beaucoup plus tardif que l'aqueduc. Ah oui, je vois. Vous n'imaginez pas comme elle a pu bouger, cette frontière. La Sodrovno-Voldachi et la principauté de Mouka n'ont pas arrêté de s'annexer, de se séparer, de se réconcilier. Ils feraient bien de se souvenir de tout ça à Galatograd au lieu de nous bassiner avec leur grande Sodrovny. Bon, vous ne savez lire et tracer que des cartes, hein ? C'est la seule chose qu'on vous ait enseignée. Mais la carte n'est qu'un résultat, une accumulation de données qu'il a fallu observer, sinon c'est un simple bout de papier sans lien avec le paysage. Tenez. Regardez cette carte. Oh, elle est magnifique. Oui, oui. Mais essayez plutôt de situer l'endroit représenté sur notre gravure. Je dirais que ça doit être dans cette zone. Oui, sans doute ici. L'eau serait venue de Port-Antruy et aurait desservi toute cette région. Bon, vous me rassurez, mon petit Roland. Je vois que vous n'êtes pas définitivement bouché. Les jours passaient. Peu à peu, je m'habituais à cette nouvelle vie. C'est drôle. Des documents qui me laissaient perplexe il y a 3 jours me paraissaient maintenant d'une simplicité enfantine. Ce qui me pesait le plus, c'était cette atmosphère confinée. Par moments, je devais me retenir pour ne pas exploser. Le soir, je sortais pour courir. Mais les abords du centre de cartographie étaient lugubres. Et nous étions loin de Galatograd. Alors, Roland, toujours au travail? Vous y prenez goût, on dirait. Vous lisez le traité de Grybinski. Excellent ouvrage. Un peu austère, peut-être, mais... Bon, ce bouquin-là, par contre, vous pouvez vous en dispenser. Hein. Du pur verbiage nationaliste. Vous êtes sûr? Venez, je voudrais vous montrer quelque chose. Maintenant que vous avez pris vos marques, il faut quand même que vous compreniez à quoi ça sert, tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Paul a ouvert une lourde porte et je me suis retrouvé au cœur du dôme. De curieux engins étaient accrochés à un rail. On aurait dit des tandems sans roues. Allons, mon petit, montez là-dessus. Pour une fois qu'il y a quelqu'un pour pédaler à ma place. Eh, faut bien que la jeunesse serve à quelque chose, non? Ah, vous avez de l'énergie à revendre. Bah, franchement, un jeune homme comme vous devrait être sur les routes, aller sur le terrain, au lieu de traîner dans un bureau. À votre âge, j'étais géographe de plein vent, moi, pas cartographe de cabinet. Mais les cartes, ça me passionne, je vous assure. Bah, je m'en suis rendu compte. Ralentissez, on va serrer à gauche. Dans ma jeunesse, tout ce secteur était noir de monde. Il y avait des vélorails dans tous les sens. C'était à peine si on pouvait circuler. Puis, peu à peu, tout s'est comme endormi. Enfin, ils se sont remis à recruter, apparemment. Attention à vous, ça va faire fragile, là. Voilà, un peu plus à droite. Tenez, voilà une des nouvelles recrues, un certain Djounov. Ismaël Djounov. Il doit être pas beaucoup plus vieux que vous. Ah oui, j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Eh, regardez. Regardez toutes ces machines qu'il est en train d'installer. Le comble du modernisme, paraît-il. Enfin, on verra ça. Tout de même, c'est bien que les choses bougent, que les autorités s'intéressent au centre. Qui sait? J'ai peut-être tort de me méfier. Et ce club-là, qu'est-ce que c'est? Ah, vous n'avez pas encore eu les honneurs du lieu? Non, vous le découvrirez bien assez tôt. Et voilà, nous arrivons. Oh, comme c'est haut! Bah, ne me dites pas que vous avez le vertige. Non, non, ça va, mais... Incroyable! Quelle vue magnifique! Et vous qui aimez les cartes, vous devez être servi. Hein. C'est notre grande œuvre. Une carte tridimensionnelle au 200e. Une miniature complète de notre territoire. Mais je ne savais pas que... Ah, c'est la synthèse d'années de travail. Les observations des géodessinateurs, les analyses des différents services du centre, tout finit par prendre place ici. Regardez. Là, on retrouve notre valet de l'autre jour avec son ancien aqueduc. Quelle précision! Jusque dans les moindres détails, je n'en reviens pas. Ces petits oliviers, on croirait des vrais. Appelons Jean. Monsieur Paul Sisteri est prié de se présenter immédiatement à la direction. Mais bizarre, qu'est-ce qu'il me veut, ce vieil ivrogne? Désolé, mon petit Roland, je vous laisse ici. Vous retrouverez bien votre chemin, n'est-ce pas? C'est pas un brillant cartographe qu'on apprend à s'orienter. Pas de chance, cette fois c'est à moi de pédaler. Que c'est dur, bon sang, que c'est dur. Thank you. C'est en remontant vers ma chambre que j'ai fait la connaissance d'Ismaël Junov, le premier jeune que je voyais depuis mon arrivée. Bonsoir. Je vous ai aperçu tout à l'heure avec le vieux. Ah oui, je vous reconnais. Vous étiez en train d'installer une de ces énormes machines. Oui, je me présente, Ismaël Junov, néo-technologue, conseiller spécial à la modernisation. Enchanté. Moi, je suis... Oui, Roland de Kremer, je sais, on m'a beaucoup parlé de vous. Bah venez, il faut absolument que je vous les montre, mes machines. Vous allez voir, vous allez trépater. Oh. Cher ami, je vous présente l'avenir. Le traceur automatique. Cet engin va tout révolutionner. On est encore en phase d'installation, bien sûr. Il reste quelques réglages à faire, mais bientôt, toutes les cartes seront traitées de cette façon. Quoi ? C'est avec ça que vous allez... Ouais, les possibilités sont énormes. Bientôt, nous pourrons travailler en direct avec les observateurs qui font les relevés. Incroyable ! En tout cas, Roland, je suis très content de faire votre connaissance. Oh, moi aussi ? On pourrait se tutoyer, peut-être. La jeune génération doit se montrer solidaire. Volontiers. Et si on allait prendre un verre au club ? On serait plus à l'aise qu'ici ? Il paraît qu'il n'y a pas encore mis les pieds avec ton monsieur Paul, évidemment. Moi, j'ai de la chance, je suis logé juste à côté. Excuse-moi, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris à quoi il va servir ce traceur automatique. Ah, mais à tout. Depuis les premiers relevés jusqu'à l'établissement des cartes. Ça va représenter un gain de temps considérable. Et ce sera beaucoup plus fiable. Sarah, tu nous apporterais de Calvin Isling, s'il te plaît ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a dans cette maison pas mal de gens qui s'en relèveront pas. Mais ils l'auront pas volé. Ton monsieur Paul, par exemple, doit être dans le centre depuis 40 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Non, je suis pas d'accord. Il a son style, bien sûr, mais sur le plan de l'interprétation, par exemple... Non, mais l'interprétation, c'est... mais c'est justement avec ça qu'il faut en finir. Il est grand temps qu'on arrive à des mesures objectives. La Sodrovno-Voldachi est un tournant, mon vieux. Avec les nouveaux enjeux, on peut plus se permettre de financer. Ah. Merci, ma belle. Bon. Eh bien, ta santé. À la tienne. C'est fort, quand même. Bon, assez discuté pour ce soir. On aura tout le temps de reparler de ça. Regarde-moi ces deux petites, là. Elles sont pas mignonnes, peut-être ? Moi, c'est ça que j'aime ici. Il y a à boire et à manger. Tu veux dire qu'elles sont juste ici pour... On a quand même le droit à quelques compensations, tu trouves pas ? Disons que c'est une prime d'éloignement. Et elle, là ? Tu crois que c'est aussi une... Quoi, la néo-Voldache ? C'est une drôle de fille, hein. Jolie, d'accord, mais je te la conseille pas. C'est la seule qui veut pas se déshabiller. Autant dire que les amateurs se bousculent pas. Enfin, après, chacun ses goûts. Bon, ben, je te laisse. C'est pas que je m'ennuie, mais chacun ses plaisirs. À demain, Roland. À demain, Ismaël. Et merci. Junov était monté avec une des hôtesses. Et moi, je ne pouvais détacher mes yeux de cette jeune femme pas comme les autres. Elle était là, derrière le comptoir, très brune, très belle, mais avec un air terriblement triste. J'aurais voulu l'aborder, mais je ne savais comment m'y prendre. Il était tard. Il valait mieux que je rentre. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Chaudrin. Ah, un très joli prénom. Moi, je m'appelle Roland. Roland de Kremer. Je travaille avec monsieur Paul au service d'analyse cartographique. Ah oui, pour monsieur Paul. Je le connais un peu. Eh bien, à bientôt, monsieur Roland. Oui, à bientôt, je reviendrai. Une fois de plus, je m'étais comporté comme un parfait imbécile, incapable d'articuler deux phrases. Elle avait dû me trouver ridicule. Je n'étais pas habitué aux boissons fortes. Mon sommeil a été agité. Pour la première fois, je ne me suis pas réveillé à l'heure et je suis arrivé en plein milieu d'une réunion. Le maréchal Radizic a manifesté le désir de visiter le centre de cartographie, ce qui montre l'importance qu'il accorde à nos travaux. Ah, vous voilà, de Kremer, nous n'espérions plus votre présence. Je suis désolé. Le maréchal sera ici dans 3 semaines. Il faut que le travail sur la carte géante ait beaucoup avancé d'ici là. Nous profiterons au mieux des renforts d'effectifs qui viennent enfin de nous être accordés. Les instructions que l'on m'a données sont claires. Nous devons accélérer le traitement des données et donc limiter le travail d'analyse. Adieu les cartes de précipitation, du gibier et des cultures. Adieu les cartes d'urine et du seigle, des rumeurs et des croyances. Place aux données matérielles, aux éléments les plus visibles. Cette cartothèque où beaucoup d'entre vous ont longuement travaillé et qui était un peu notre sanctuaire, va bientôt céder la place à de nouvelles machines aux capacités révolutionnaires à ce qu'il paraît. Nous verrons, chers collègues, nous verrons. Quoi qu'il en soit, il nous faut renoncer aux longues supputations et aux vérifications méthodiques. Désormais, on exige de nous de l'efficacité des données immédiatement utilisables. Bref, je souhaite la bienvenue à tous les collègues qui viennent de nous rejoindre. Aux anciens, je demande de s'adapter aux directives nouvelles, comme je tenterai moi-même de le faire. Je vous remercie. Et voilà, Roland, on tourne la page. Vous allez pouvoir oublier tout ce que j'essayais de vous transmettre. Mais certainement pas. Tout ce qui m'a importé ici va disparaître. Le sentiment du paysage, l'attention aux plus infimes détails, tout ce qui fait d'une carte un condensé d'événements et de drames. Vous avez vu les nouvelles machines qu'Ismaël Djounov est en train d'installer ? C'est impressionnant tout de même. Oh, le tracé automatique, c'est ça qui vous impressionne ? Non, pas vraiment. Non, mais... on peut faire dire n'importe quoi à des relevés automatiques. Les accidents de terrain et les courbes de niveau ne veulent rien dire si on n'est pas capable de les interpréter. Leur soi-disant réalité n'existe pas. J'ai la tête ailleurs, mon petit Roland, je me trompe ? Non, non, c'est juste que je n'ai pas très bien dormi. Ah, je vois. En tout cas, le travail ne va pas manquer. Je compte sur vous pour la formation accélérée de nos nouvelles recrues. Bien sûr, monsieur Paul. La suite de la journée s'est traînée interminablement. Les nouveaux employés venaient sans cesse me poser des questions plus idiotes les unes que les autres, et j'avais bien du mal à ne pas m'énerver. J'attendais le soir avec impatience pour retourner au club. Tiens, qui voilà. On ne vous voit pas souvent par ici, monsieur de Crémer. Oui, bonsoir. Mademoiselle Shkodra n'est pas là ? Bien sûr que si. Où voulez-vous qu'elle soit ? Elle est à l'étage avec les autres filles. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Shkodra. Shkodra ? Et pourquoi Shkodra ? On ne plaît pas, nous ? Elle est dans la dernière chambre, au fond du couloir. Bonsoir, Shkodra. C'est vous ? Je voulais vous... Viens, Roland. N'aie pas peur. Je sais ce que tu veux. Ne t'en fais pas, je suis là pour ça. Mais non. Mais si. Allez, approche-toi. C'était ma première fois. C'est sans doute pour ça que j'étais si impressionné, si exalté, si maladroit. Il m'aurait suffi d'un peu plus d'expérience pour que toute la suite de l'histoire prenne un tour différent. Vous, tu ne te déshabilles pas ? Non, jamais complètement. Mais toutes les autres filles le font. Pourquoi tu ne vas pas plutôt avec elles ? Parce que c'est toi qui me plais. Tu es belle. Tu es si belle. Je voudrais te voir tout entière. Elle ne me résistait pas vraiment. Je n'ai pas tardé à comprendre ce qui lui faisait peur. Tout le bas de son dos était couvert d'une tache étrange. Un dédale de lignes, presque comme une carte de géographie. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ça te dégoûte. Mais non, je Shkodra, au contraire. C'est comme un secret. Tu es si... Viens, ne parle plus. Oh, Shkodra. Elle a fini par s'endormir. Et j'ai pu regarder tranquillement ces lignes étranges au creux de ses reins. J'ai même tenté de les dessiner. Je suis parti sans la réveiller. J'aurais voulu quitter le club discrètement, mais il a fallu que je tombe sur Junov. Il sortait d'une autre chambre, tout débraillé et sans doute un peu éméché. Mais qui voilà ? Roland de Crémer en personne. Chut, vas-y, fort. Bah quoi ? Salut plus ses amis. Excuse-moi, Ismail. Eh bien, malgré tes airs de timide, tu perds pas ton temps, dis rien. Alors, elle te plaît, la petite Shkodra ? Tu vas voir. Toi aussi, tu vas devenir accro. Oh, c'est quoi ce papier ? Oh non, t'as fait son portrait ? Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Allez. Fais pas ta mijaurée. Dis, passe à mon bureau un de ces jours. On a encore reçu une machine sensationnelle. Ouais, promis, je viendrai. Bonsoir. La visite du maréchal approchait. Tout le monde s'activait de son mieux, mais j'avais l'impression que nous ne serions jamais prêts. Je travaillais d'arrache-pied, mais presque chaque soir, je retournais voir Shkodra. Junov avait raison. Je ne pouvais plus me passer d'elle. J'étais toujours aussi fébrile, aussi impatient de la retrouver, aussi fou de son corps et de cette tache étrange au creux de ses reins. Oui, je l'aimais. J'étais certain de l'aimer. De son côté, elle ne laissait rien transparaître de ses sentiments pour moi. Les nouveaux employés modifiaient la carte tridimensionnelle à grande vitesse. C'est n'importe quoi, absolument n'importe quoi. On colle des montagnes et des bouts de forêt n'importe où, comme ça, pour remplir. Mais c'est très joli, je vous assure. Joli, comme si c'était la question. Ah, vous voilà, Roland, vous tombez bien. Non, mais regardez-moi ce carnage. Mais vous avez tort de vous en faire. Les gens ne se rendront pas compte de tous ces détails. Des années de recherche, des milliers de dessins, des analyses minutieuses, tout ça pour en arriver là. Ce n'est sans doute qu'un problème passager. Nous reprendrons les choses sérieusement après la visite du maréchal. Allons. Ne me prenez pas pour un imbécile. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Tenez, aidez-moi à déplacer ce petit pont. Ce sera toujours ça de rectifier. Enfin, le grand jour est arrivé. Ça y est, c'est lui. Là, monsieur le directeur, regardez le dirigeable. Tenez-vous prêt. Le maréchal sera ici dans quelques minutes. Je veux que tout soit impeccable. Bien, monsieur le directeur. De Crémer, dépêchez-vous. Vous feriez mieux de vous rajuster et de vous donner un coup de peigne. Oui, mais... Oh, il fait froid. Pourvu que tout se passe bien, le maréchal ne supporte pas les approximations. Aurais-je l'occasion de lui présenter nos nouvelles machines, monsieur le directeur ? On verra, Jonas, on verra. Nous sommes ici pour écouter le maréchal. Maréchal, au nom de tout le personnel du centre de cartographie, je tiens à vous dire combien votre visite nous honore. Je suis impatient de découvrir votre centre. J'attache une extrême importance au travail qui est mené ici. Maréchal, permettez-moi de vous présenter quelques-uns de nos plus brillants éléments. Voici Ismaïl Djounov, néo-technologue conseiller à la modernisation. Nous avons reçu des machines prodigieuses, Maréchal. Je sais, j'y ai personnellement veillé. De Crémer. Et voici Roland de Crémer, un jeune cartographe plein d'avenir. De Crémer, belle lignée, belle famille. Montrez-vous digne de vos ancêtres, jeune homme. Nous avons de grands projets pour vous. Merci, maréchal. Si vous voulez bien me suivre, nous serons beaucoup mieux à l'intérieur. Alors, les travaux ont-ils avancé ? Nous avons mis les bougies doubles, maréchal. Je crois que vous serez satisfait. Je l'espère. Voilà, nous arrivons au cœur du dôme, notre sanctuaire, si j'ose dire. Cher maréchal Radizic, en hommage à votre glorieux ancêtre, notre chorale va interpréter pour vous un extrait de l'opéra Evgenia Radizic. 3, 4. Glorieux enfant de la nation, Evgenia par ton génie, tu sus faire naître les passions de nos. Comme les lignes de la main, comme les rides d'une pierre, tout ton corps montrera demain la vérité de la frontière, la vérité de la frontière. Tremblez, tremblez, peuples impies, les outrages du temps passé. Un jour prochain, nous serons vengés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, en ce jour sacré qui commémore la bataille de Zilehirum, je suis venu vous dire toute l'importance que j'accorde à l'œuvre qui vous occupe. Le travail que vous avez entrepris et auquel vous êtes en train de donner une nouvelle impulsion est à mes yeux fondamental. Oui, fondamental. Le but de ce centre de cartographie, trop longtemps délaissé, est d'établir un état des lieux complet de notre territoire à l'heure des changements les plus essentiels qu'ait jamais connu le continent obscur. En peu d'années, Urbicand a été rasé de la carte, Bruxelles a demi englouti sous les eaux et Calvani ravagée par les tempêtes. Même l'orgueilleuse cité de Paris a beaucoup perdu de son crédit depuis l'échec de l'exposition interurbaine. Qui, aujourd'hui, pourrait faire de l'ombre à notre grande et bien-aimée Sodrovno-Voldachi. L'heure est venue pour notre patrie d'affirmer enfin le rôle qu'elle peut et doit jouer sur le continent. Notre territoire et notre histoire nous y appellent. Encore faut-il qu'on les connaisse. C'est pourquoi j'ai décidé que le public serait bientôt accueilli dans cet établissement pour découvrir dans toute son étendue notre grande Sodrovny. De véritables routes relieront bientôt ce centre de cartographie à la ville de Galatograd. Ouvrir le centre à n'importe qui, c'est de la folie. Bientôt, très bientôt, des gens viendront de partout pour comprendre notre histoire glorieuse et entrevoir l'avenir plus glorieux encore que nous préparons ensemble. Je sais que je peux compter sur vous. Alors, Roland, qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Au moins, il s'intéresse à nous. Hein ? Mais franchement, je préférerais qu'il ne se mêle pas de nos affaires. Quand les politiciens et les militaires s'intéressent à la cartographie, c'est jamais très bon signe. Venez, monsieur Paul, et vous aussi, de Grémer. Nous allons retrouver le maréchal dans le grand salon. Magnifique discours, n'est-ce pas? Enfin, notre nation a trouvé un véritable chef. Alors, il paraît que vous avez rencontré la petite Shkodra. On est vraiment les mêmes, Roland, hein? Cartographe jusqu'au bout des doigts. Je n'ai rien trouvé à lui répondre, mais mon regard devait en dire long. J'aimais beaucoup monsieur Paul, mais imaginer Shkodra dans ses bras, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Bien, messieurs, j'ai regardé avec intérêt votre carte en trois dimensions. C'est très subtil, très esthétique, mais ce n'est ni assez clair, ni assez démonstratif. Ce qu'il faut mettre en valeur, c'est l'unité de la Grande Sodrovny, le tracé de la frontière. Voilà ce qui nous importe. Le reste, ce sont des fantaisies que nous ne pouvons plus nous permettre. Pardon, maréchal, mais la démarcation entre la Sodrovno-Voldachie et les cités qui l'entourent sont loin d'être évidentes. Au fil des siècles, on constate une certaine porosité et tout un jeu d'influence réciproque. Et c'est là que les cartes... Oh, monsieur Paul, je ne sais pas si c'est le moment. Vous vous trompez d'endroit, monsieur Cicéry, c'est bien ça? Nous ne sommes pas ici dans une académie poussiéreuse pour discutailler de façon stérile. Ce que j'attends de vous, comme d'ailleurs de tous vos collègues, c'est des arguments irréfutables dans mon combat pour la Grande Sodrovny. Pardonnez-moi, mais justement... Vous m'avez mal compris, je crois. Mais vous avez de la chance, Cicéry. Je ne voudrais pas me montrer trop dur envers un serviteur de longue date de notre nation. Dès ce soir, vous quitterez le centre de cartographie en faisant valoir vos droits à la retraite. Monsieur de Crémer, vous prendrez la direction de ce service hautement stratégique. Moi? Mais maréchal, je... C'est un ordre, monsieur de Crémer. Montrez-vous digne de la confiance que je vous fais, et à travers vous, à toute la jeunesse de ce pays. Bien, je vous laisse, messieurs. D'autres obligations m'appellent. Mais je reviendrai. Soyez-en sûrs. Nous nous en réjouissons, maréchal. Vous pouvez compter sur nous. J'ai à peine eu le temps de faire mes adieux à monsieur Paul. J'avais la gorge serrée. Je ne savais que lui dire. Je perdais mon maître. Et je me sentais bien en peine de prendre sa succession. En peu de jours, l'ambiance du centre a changé complètement. Djounov était très vexé que le maréchal soit parti précipitamment sans aller admirer ses machines. Il ne me parlait plus, comme si c'était de ma faute. Quant au directeur, il courait dans tous les sens et buvait de plus en plus. Tenez, Roland. Vous m'en direz des nouvelles. À votre belle carrière. À la vôtre ? J'ai confiance en vous, Roland. Si vous ne nous décevez pas, un magnifique avenir vous attend. Mais pour l'instant, il faut des résultats, sinon nous allons tout sauter. Monsieur Djounov nous avait promis que le traceur automatique et la standardisation nous sauveraient, mais il y a eu des pannes, des erreurs, des courts-circuits. Regardez dans quel état est mon bureau. Dans l'immédiat, nous sommes obligés de naviguer vaille que vaille entre l'ancien système et le nouveau. Bref, je gonfle votre service en mettant tout un groupe de jeunes recrues à votre disposition, histoire de faire avancer la carte géante. Surtout, ne vous perdez pas dans les détails. Vous avez entendu le maréchal, c'est la frontière qu'il faut rendre visible. Et pas n'importe laquelle, hein. Ne me refaites pas le coup de Monsieur Paul. Je ferai de mon mieux, Monsieur le directeur. Appelez-moi Nicolas, plus de Monsieur le directeur entre nous. Allez, bonsoir. Et si vous passez au club, saluez ces demoiselles de ma part. Shkodra m'avait manqué. J'étais impatient de la voir, mais nos retrouvailles n'ont pas été faciles. Comme malgré moi, mes yeux revenaient se poser sur la forme étrange au bas de son dos. Encore cette tâche. Tu ne penses qu'à ça? Mais non, pas du tout. Alors arrête de la regarder. Viens. Viens près de moi. Oui, tu as raison. C'est juste que je voudrais comprendre. C'est important, je t'assure. Ça suffit. Laisse-moi maintenant. Je suis fatiguée. Ah, tu es sûre? Bon. Eh bien, bonsoir, Shkodra. À demain. Les ordres du maréchal étaient formels. Il fallait matérialiser la frontière sur la carte géante de manière aussi visible que possible. Des dizaines d'employés étaient occupés à placer les fragments d'un mur. Un mur. Ils n'avaient rien trouvé de mieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au beau milieu de Milos, là, pas en Soudrovno-Voldachi. On suit les indications de la machine, monsieur de Kremer, je vous assure. Regardez, les documents sont là. Mais je vous remercie, j'ai pas besoin de regarder ces papiers pour savoir où se trouve Milos. On fait comme on nous a dit, le directeur nous a demandé de ne pas perdre une minute. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et les cartes? Elles sont où d'abord? Les vieilles cartes? Oui, les cartes, les vraies cartes, quoi. Eh bien, c'est-à-dire, elles ne sont plus là. Comment elles ne sont plus là? Vous n'allez pas me dire que vous les avez jetées? Oh, pas moi, monsieur de Kremer, mais monsieur Junov a dit que tout ça ne servait plus à rien maintenant. Enfin, il doit en rester quelques-unes. Retrouvez tout ce que vous pouvez! Absolument tout! On va s'en occuper, je vous promets, je suis désolé. Voilà justement, monsieur Junov. Oh non, ça commence à bien faire les pinaillages. Tu laisses les gens travailler, on est très en retard sur le programme. Désolé, Ismaïl, mais ça, c'est pas du travail, c'est du gâchis. C'est toi qui as demandé qu'on jette les cartes? Non, mais tu te rends compte? Oh, toi, le passé, ça suffit. Je pouvais encore comprendre que ton monsieur Paul s'accroche à l'ancien système, mais un jeune comme toi, c'est du délire. Du délire? Tu oses parler de délire avec des machines qui font n'importe quoi? Elles ne font pas n'importe quoi. Simplement, quand on innove, il y a toujours des petites erreurs, une phase de mise au point. Est-ce que tu imagines seulement les conséquences de ces petites erreurs? Tous ces gens qui pourraient se retrouver du mauvais côté de la frontière. Du mauvais côté? Mais de quoi tu parles? Tu m'as parfaitement compris. Si ça continue, je vais devoir faire un rapport. Il faut que les autorités sachent ce qui est en train de se passer. Le maréchal Radisic me fait toute confiance, sois tranquille. Et crois-moi, mon vieux, il y a ici des gens qui nuisent beaucoup plus à ces projets. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Rien du tout. Allez, ça suffit, j'ai du travail. Tu remettras mon bonjour à Shkodra. En fait, comment elle se porte, ces drôles de tâches? N'oublie pas d'en parler dans ton rapport. Peu à peu, tout se mettait en place dans ma tête. Les paroles d'Evgenia Radizik me revenaient. Comme les lignes de la main, comme les rides d'une pierre, tout ton corps montrera demain la vérité de la frontière. La vérité de la frontière? Cette frontière à laquelle le maréchal tenait tant, les lignes sur le corps de Shkodra en étaient la vivante négation. Ce qu'elle dessinait, c'était un autre territoire, beaucoup plus réduit, celui de la Soudrovno-Voldachie d'autrefois. Deux jours plus tard, j'ai reçu une lettre officielle du maréchal. Une invitation à me rendre à Galatograd. Je savais ce qu'il me restait à faire. Il était tôt. Au club, tout le monde était encore endormi. Škodra ! Škodra ! C'est toi. Je dois te parler, Škodra, c'est important. Tu es en danger. Cette tâche, ces lignes... Oh non, tu vas pas recommencer. Tu es complètement obsédé. Non, c'est vraiment pas ce que tu crois. C'est difficile à t'expliquer, mais je suis sûr que cette tâche a un rapport avec la frontière. Tu ne peux pas t'en rendre compte, mais ces lignes sur ton corps dessinent une sorte de carte. Une carte qui dit le contraire de tout ce que le maréchal cherche à prouver sur la grande Sodrovny. S'ils te trouvent, ils vont... Écoute, Roland, je t'aime bien. Tu es plus gentil que les autres, mais tu me fais peur avec tes idées bizarres. Je n'y comprends rien à tes histoires. Tout ça n'existe que dans ta tête. C'est faux ! Djounov lui-même est au courant. Il m'a parlé de toi de façon menaçante. Il faut quitter le centre dès que possible. Tu vas venir avec moi, je vais t'emmener. M'emmener ? Mais où ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Ce qui compte, c'est de gagner du temps. Dans l'immédiat, personne ne remarquera ton absence. Et moi, je vais faire semblant d'aller à Galatograd. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire. Une seule chose était sûre, nous ne pouvions plus rester ici. J'ai demandé à Škodra de sortir la première par une porte dérobée, puis de m'attendre près de la porte ouest. De mon côté, j'ai présenté ma convocation chez le maréchal et on m'a confié un motocycle pour rejoindre Galatograd. Nous avons très vite quitté la route et abandonné le motocycle près de la rivière d'Omal. C'est là que nous avons passé la première nuit. Le lendemain, nous avons marché pendant des heures pour nous éloigner le plus possible. Je croyais avancer vers Sodrovny, mais après un moment, il m'a fallu l'admettre, je ne savais plus du tout où nous étions. Et le fragment de carte que j'avais emporté ne m'était d'aucun secours. C'est vraiment idiot. Je n'arrive pas à trouver de point de repère fiable. À moins que je n'ai pas la bonne portion de la carte. Je te l'ai déjà dit, c'est pas du tout par là. Viens, laisse-moi te guider. Škodra semblait sûre d'elle. J'ai accepté de la suivre. Il ne fallait pas traîner. Le maréchal avait sûrement signalé mon absence, et Djounov avait dû remarquer le départ de Škodra. L'après-midi du troisième jour, en sortant de la forêt, nous sommes arrivés au pied d'un mur immense, infranchissable. La frontière ! Ils l'ont vraiment construite ! En si peu de temps, c'est incroyable ! Il faut longer le mur. On va trouver un passage. Quelle chaleur, j'en peux plus. Ah ! Une borne. Enfin, nous allons pouvoir nous repérer. Ça alors ? Ce village s'appelle Škodra. Exactement comme toi, c'est drôle, non ? Non, ça n'a rien de drôle. C'est d'ici que je viens. Nous, les filles du club, on nous donne souvent le nom de l'endroit où on nous a ramassés. Je suis désolée. Je savais pas. Incroyable ! Le mur a coupé le village en deux. Et... toutes ces maisons... toutes ces maisons sont vides. Tu avais de la famille ici ? Je n'ai personne. Ni ici, ni ailleurs. Je préfère oublier tout ça. Mais je suis là, moi. Laisse-moi. Viens. Faut pas traîner ici. Je sais comment rejoindre la route. Nous nous sommes laissés guider par le mur. Škodra ne s'est pas retourné une seule fois. S'est interrompu très vite. Pendant deux jours, nous en avons retrouvé des portions, puis plus rien. Nous avons continué droit devant nous, ou plutôt aussi droit que la montagne le permettait. Je ne savais même pas si nous étions déjà sortis de Sodrovno-Voldachi. Le temps changeait sans cesse. Nos maigres provisions étaient presque épuisées. nous n'en pouvions plus de fatigue. Parfois, nous avions la chance de trouver quelques colis abandonnés, des galettes d'épeautre, des poissons séchés, du cidre qui arrachait la gorge. Mais nous ne croisions personne. Nous n'osions pas imaginer ce qui s'était passé, ni ce vers quoi nous avancions. Un soir, je me suis retrouvé dans les lieux mêmes sur lesquels M. Paul m'avait fait travailler le jour de mon arrivée. L'aqueduc, la tour de guet. Pauvre M. Paul, où pouvait-il être maintenant ? J'avais quitté le centre sur un coup de tête, obligeant Shkodra à me suivre. Avec elle, j'avais accumulé les maladresses. Elle se méfiait de moi, me parlait de moins en moins. Et moi, depuis quelques jours, je ne savais même plus ce que j'éprouvais pour elle. Avait raison. Ce n'était d'abord qu'un simple bruit de moteur à peine perceptible dans le lointain. Puis, j'ai reconnu le dirigeable du maréchal. Il avait fini par nous rattraper. Je n'ai pas été surpris de voir Ismaïl Djounov descendre juste derrière lui. Bien, Djounov. Nous avons fini par les retrouver, vos deux conspirateurs. J'étais sûr qu'ils avaient pris cette direction. Encore un peu, ils quittaient le territoire. J'espère que vous ne m'avez pas déplacé pour rien. Ce détour me fait perdre des heures précieuses. Ces deux tourtereaux ne m'ont pas l'air bien inquiétants. Je pense qu'il s'agit d'une affaire sérieuse, maréchal. J'observais Roland de Crémer depuis quelque temps. C'est un passéiste opposé au nouveau mouvement de l'histoire. S'il a fui le centre, c'est parce qu'il comptait utiliser cette jeune Néo-Voldache, ou plus exactement, certaines particularité de cette fille. Tout cela me paraît bien confus. Laissons notre fugitif nous donner sa version des faits. Merci, maréchal. Je devais vous rencontrer à Galatograd de Kremer. J'avais de grands projets pour vous. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma convocation ? Oui, maréchal, c'est... Je suis bien conscient que... Voilà. J'ai pensé que je devais mettre à l'abri cette jeune femme, Shkodra, à laquelle je suis très attaché. Qu'elle était porteuse d'un secret qui la mettait en danger. Un secret ? Vraiment ? Et de quel genre ? C'est assez délicat. Cela concerne la frontière de notre pays, mais... Arrêtez vos enfantillages. De quoi parlez-vous ? Quel lien y a-t-il entre cette case étrangère et les frontières de notre nation ? Si vous voulez bien approcher, c'est... Regardez. Non, Roland. Non, je t'en prie. Il le faut, Shkodra, c'est notre seule chance. Je t'en supplie. Ça suffit de Crémer. Si vous avez quelque chose à montrer, montrez-le. J'ai soulevé la robe de Shkodra. Et je l'ai dévêtue devant le maréchal et ses sbires. Devant Djounov et les autres. Je ne voulais plus qu'une seule chose. Leur prouver que je ne délirais pas. Que la frontière, la vraie frontière, ne se situait pas là où ils le disaient. Je le croyais sincèrement. Je pouvais ramener le maréchal à la raison, mettre fin à cette guerre absurde. Voilà. La lumière n'est pas très propice, mais... Vous voyez cette forme-là ? C'est tout à fait celle de l'ancienne Sodrovna Voldachi. Il ne faut pas l'écouter, monsieur le maréchal. Je suis juste la première fille qu'il a connue. Il s'est raconté les histoires. Vous êtes malade de Crémer. Pourquoi voulez-vous que ce tatouage m'intéresse ? Non, regardez mieux. Ce n'est pas un tatouage. Cette tache est inscrite dans sa peau. Son corps est comme la mémoire de notre territoire. Si on pouvait étudier les choses de plus près... Une tache de naissance sur le cul d'une petite pute néo-voldache. Pauvre garçon. Moi qui avais fini par vous croire dangereux. J'ai eu tort de penser que le génie cartographique pouvait se transmettre de génération en génération. Vous avez de la chance, de Crémer. Votre nom vous protège. Il n'est pas dans mes habitudes d'éliminer les descendants de nos familles les plus illustres, si dégénérés soient-ils. Quant à vos histoires de frontières, je crois que vous ne sentez pas à quel point elles sont anachroniques. Ce mur qui vous obsède, il est déjà dépassé. Chaque jour, notre empire s'étend davantage. Milos, Mucha, Bruxelles en font désormais partie. Demain, ce seront Genova, Paris, puis Calvani. Déjà d'autres cités demandent à nous rejoindre. La frontière ne cesse de bouger. Elle change si vite qu'elle en devient invisible. Je vous laisse de Kremer. On m'attend à Galatograd. Quant à vous, Djunov. Oui, Maréchal. Vous auriez mieux fait de ne jamais quitter le centre. Vos machines vous attendent. J'espère pour vous qu'elles fonctionneront bientôt. Skodra, je suis tellement désolé. Je croyais pas. Tais-toi. Tout cela nous dépasse. Fini, Roland. Fini. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je retourne au centre. Ismaël Djunov va me ramener. Oui, le travail ne manquera pas. Nous avons beaucoup de nouveaux employés. Djunov! Skodra, dépêchons. Ils m'ont laissé là, seul, comme si je n'existais pas. Je me suis remis à marcher. J'avais brisé ma carrière. Quant à Skodra, je l'avais perdue par ma seule faute. M'avait-elle jamais aimé? Ou n'avait-elle vu en moi qu'un client, juste un peu plus gentil que les autres? Avait-elle seulement choisi de me suivre? On l'avait si peu habituée à dire non. J'avançais droit devant moi, sans savoir où j'arriverais. Mais parvenu au sommet d'une colline, je suis tombé en arrêt. Le paysage qui s'étendait sous mes pieds dessinait avec netteté le corps d'une femme. Aucun doute n'était possible. Je distinguais clairement ses bras, ses jambes, son ventre, ses seins. Seul le visage restait dans l'ombre. Mais lorsque j'ai commencé à descendre, l'image n'a pas tardé à se défaire. À nouveau, tout n'était qu'arbre, buisson et pierre. Restait tout à apprendre. C'était « La frontière invisible », d'après la bande dessinée de Benoît Peters et Françoise Keuten. Adaptation Benoît Peters. Enregistré en public au Théâtre des Bouffes du Nord le 9 mars 2014. Avec Grégoire Le Prince Ringuet, Roland de Crémer, Jean-Pierre Calfon, Monsieur Paul, Jonathan Cohen, Ismaël Djunov, Claude Aufort, le directeur, Lenka Luptakova, Shkodra. Miglen Mirtchev, le maréchal Radizik. Jean-Paul Dubois, le gardien et un employé. Andrea Brusque, une femme du club et une employée. Et les voix de Xavier Bazin, Dalia Bonnet, Étienne Launay, Justin Blancard, Amélie Heinz, Julien Blétrac, Elodie Fiat, Olivier Piloni, Julie Guichard, Capucine Lespinasse, Véronique Lechat. Musique originale et direction musicale, Bruno Le Thor. Ondea, Nadia Ratsimandresi. Piano, Célimène Daudet. Flûte contrebasse, Sophie Dehay. Oud, Fauzi Alayedi. Clarinette basse, Jean-Marc Fessard. Percussion, Pierre Quirini. Avec la participation de la chorale des discothécaires de Radio France. Bruitage, Sophie Bissantz. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Lidwin Caron, Benoît Chapon. Sonorisation, Célia Dufour, Christophe Delmas, Johan Mazot. Coordination technique, Guillaume Rialan. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Stagiaire, Julie Guichard. Réalisation, Laure Igorov. Merci aux équipes du Théâtre des Bouffes du Nord. La frontière invisible est publiée aux éditions Casterman.